بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل أيها الإخوة والأخوات في شرح عمدة الأحكام الحافظ المقدسي رحمه الله on continue mes chers frères et sœurs dans l'explication du livre عمدة الأحكام le recueil de hadith عمدة الأحكام du très célèbre, le Cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi rahimahullah. Toujours dans le chapitre de la prière, le sous-chapitre lié au tashahhud. Qala al-mu'allif rahimahullah an Abdirrahman ibn Abi Layla rahimahullah qala laqiyani Ka'b ibn Ujra radiyallahu anhu faqal ala uhdi laka ألا أهدي لك هدية إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. Et donc l'auteur nous dit, rahimahullah, selon Abd al-Rahman ibn Abi Layla, qui dit Ka'b ibn Ujra, radiyallahu anhu, m'a rencontré et m'a dit: ne puis-je pas t'offrir un cadeau? Certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à nous et nous dîmes. Ô messager d'Allah, certes Allah nous a enseigné comment prononcer le salam te concernant, comment donc invoquer la paix, le salam en ta faveur. فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكِ. Alors comment est-ce que nous pouvons faire la salat concernant? Comment est-ce que nous pouvons invoquer pour toi as-salat ala nabi, l'invocation? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant: dites Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. Ô Allah, ô Allah, fais les éloges de Muhammad ainsi que la famille de Muhammad, comme tu as fait les éloges d'Ibrahim, tu es certes Hamid, digne de louange, Majid, le digne de glorification. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. Et fais bénédiction à Muhammad ainsi que la famille de Muhammad comme tu l'as fait pour Ibrahim إنك حميد مجيد. الهدية ما تعطيه للغير لإدخال السرور في قلبه. Le cadeau, c'est ce que tu vas donner à quelqu'un pour faire rentrer le bonheur, la joie dans son cœur. Comme il a dit ici, Ka'b, il dit: puis-je te donner un cadeau? Et ensuite, il lui a raconté le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette invocation. فهكذا العلم يدخل السرور في القلوب وهو أعظم الهدايا. Et donc de cette même façon, la science va permettre de faire rentrer la joie dans les cœurs. Et la science, c'est le meilleur des cadeaux. قد تهدي لشخص طعاما مثلا فيأكله ويتلذذ به ويفرح وانتهى. Il se peut que tu donnes un cadeau à quelqu'un. Tu lui donnes de la nourriture en cadeau. Il va manger. Il va donc Profitez de ce repas délicieux. Être heureux. Et ensuite, c'est fini. وَقَدْ تُهْدِي لَهُ أَمْرًا دُنْيَوِيًّا يَفْرَحُ بِهِ حَيَاتَهُ كُلَّهَا وَيَنْتَهِ بِمَوْتِهِ. Et il se peut que tu lui donnes un bien de ce bas monde en cadeau, dont il va profiter toute sa vie, et il sera heureux de ce cadeau que tu lui as fait, jusqu'à sa mort. أَمَّا الْعِلْمُ الذي تهديه له فهو ينفعه في حياته وبعد موته. En ce qui concerne la science que tu vas lui donner en cadeau, alors il va en profiter durant sa vie et après sa mort. وقد يتعدى إلى غيره. Et il se peut même que cette science que tu lui as donnée en cadeau, il se peut qu'elle touche autrui. Il se peut qu'elle touche autrui. وَقَدْ يَكُونُ هَذَا الْعِلْمَ الَّذِي تُهْدِي لَهُ سَبَبًا لِدُخُولِهِ الْجَنَّةِ. Il se peut que cette science que tu lui as donnée en cadeau soit une cause pour qu'il rentre au paradis. فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ. Allah Ta'ala nous a ordonné de prier. كَيْفَ نُصَلِّي. Comment prier? فَأَنْتَ تَأْتِي وَتُعَلِّمُهُ. Alors tu viens et tu lui enseignes comment prier. Alors tu dis là où est le kitab, ou alors tu lui donnes en cadeau ce livre dans lequel il va apprendre à prier. Comment prier? Fayusalli hayatahu kullaha. Et il va prier durant toute sa vie avec cette science que tu lui as donnée. Fayalaha min hadaya. Et donc, quelles sont grandioses? Qu'est-ce que ces cadeaux, la science, les cadeaux liés à la science, que sont-ils grandioses et importants? وَبَعْدُ النَّاسِ لِلْأَسَفِ إِذَا أُهْدِيَ هَدِيَّةً مُتَعَلِّقَةً بِالدِّينِ قَدْ لَا يَفْرَحُ بِهَا فَرَاحَهُ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ زِينَةِ الدُّنْيَا. Et certaines personnes... Lorsque tu leur donnes un cadeau lié à la religion, alors tu verras qu'ils ne seront pas aussi heureux que lorsque tu leur donnes de la nourriture, de la boisson et autre que cela parmi les délices de ce bas monde. Faites à Ammelou. Alors méditez. Amma salatu ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam faqad takallamna anha fi awwal kitab salat. En ce qui concerne la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sujet, nous l'avons abordé au tout début du chapitre de la prière. وَرَدَدْنَا عَلَىٰ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُصَلِّي أَيْ يَعْبُدْ. Et certes, on a répliqué à ce moment-là, au tout début donc de Kitab du chapitre de la prière, on a répliqué à ceux qui disent que Allah, il prie, c'est-à-dire que Allah, il adore. Il fait un acte d'adoration. أعوذ بالله وهذا دليل على جهل هذا المتكلم باللغة العربية. Et ça, cette parole, elle montre que cette personne qui a prononcé cette parole est totalement ignorante de la langue arabe. فرجعوه هناك. Alors vous pouvez revenir donc au premier cours, donc les premiers cours de Kitab al-Salat, le chapitre de la prière. وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجبة هي أو لا. Et certes, les savants, ils ont divergé concernant la prière, concernant l'invocation, donc salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est une invocation qui est obligatoire ou pas? Cette invocation qu'on a vue dans le hadith précédemment. فذهب الإمام أحمد والشافعي إلى الوجوب. Et donc l'imam Ahmed et l'imam al-Shafi'i, ils voient que cette invocation durant la prière après le tashahhud, elle est obligatoire. أما مالك وأبو حنيفة فيريان أنها سنة في الصلاة. En ce qui concerne l'imam Malik et l'imam Abu Hanifa, alors ils voient que donc cette invocation, salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, est une sunna. Elle est recommandée, mais que ce n'est pas une obligation. أما القائلون بالوجوب فقد استدلوا بأدلة كثيرة منها قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Et donc parmi les preuves de ceux qui voient qu'il est obligatoire de faire cette invocation à salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a plusieurs preuves. Parmi leurs preuves, il y a le verset, la parole d'Allah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Certes, Allah fait les anges, fait les éloges du prophète et les anges invoquent pour lui. Alors, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Oh vous qui avez cru, sallu alayhi. Donc, as-salat ala nabi, invoquez pour lui, wa sallimu taslima. Istadallu aidan bi hadith al-bab. Ils se sont aussi appuyés pour cet avis, ils se sont appuyés sur le hadith qu'on voit aujourd'hui de Ka'b ibn Ujrah. Fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala qulu Allahumma salli ala Muhammadin. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il dit dites. C'est un ordre. Dites Allahumma salli ala Muhammad. Ô Allah, fais les éloges de Muhammad ainsi jusqu'à la fin de l'invocation. Idan as-salatu ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wajibatun fi as-salah. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها والأمر يدل على الوجوب. Et donc il est obligatoire donc de faire cette invocation en faveur du prophète صلى الله عليه وسلم durant la prière, car le prophète l'a ordonné et l'ordre implique un caractère obligatoire. فأجاب القائلون بعدم الوجوب على هذه الأدلة بأن الآية المذكورة والأحاديث التي في معناها من ذكر الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أوامر عامة لا نخالفكم فيها أما كلامنا فهو في الصلاة أين الأمر الدال على الوجوب في الصلاة. Et donc ceux qui voient qu'il n'est pas obligatoire, il n'est pas obligatoire de faire cette invocation durant la prière, ils répondent à cette argumentation qu'on a citée précédemment. Ils répondent à cela, donc concernant le verset qui a été cité, ainsi que tous les hadiths qui vont dans le même sens, ce hadith et ce verset qui montre le caractère obligatoire de faire la salat ala nabi, l'invocation en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ils répondent à cela en disant que ce sont des ordres généraux. Ce qui est cité dans le verset, c'est un ordre qui est général. Et nous n'allons pas vous contredire en cela. On ne vous contredit pas en cela. On est d'accord avec vous qu'il faut le faire, c'est obligatoire de le faire de façon générale. Mais maintenant, le sujet, c'est est-ce que cela est obligatoire durant la prière? Voilà le sujet. Nous, le sujet dont on parle, c'est est-ce que cela est obligatoire durant la prière ou pas. Amma hadith al-bab, fala yasluhu al-istidlal bihi ala wujub as-salati ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa dhalika li amrayn. En ce qui concerne le hadith que l'auteur a cité ici, Abdel Ghani al-Maqdisi rahimahullah, alors nous ne pouvons pas nous appuyer sur ce hadith pour dire qu'il est obligatoire de faire salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam durant la prière, et ceci pour deux raisons. Awalan an al murad bi kalam an nabi sallallahu alayhi wa sallam huna huwa bayan al kayfiyya la bayan al wujub. Premièrement, ce qui est voulu par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit qulu, lorsqu'il dit dites cela durant la prière, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est voulu par là, c'est le fait de montrer comment invoquer en sa faveur. Ce n'est pas le fait de montrer que c'est obligatoire. C'est le fait de montrer comment faire. Mathalan, لو جاءنا جاء قال يا عبد الكريم فوائد الدرس أكتبها في دفتر أو على أوراق. ثم قلت له أكتبها في دفتر، فليس هناك أحد يقول إني أمرته بالكتابة في الدفتر، وإنما يفهم الجميع أني بيّنت له الكيفية. Et donc, exemple, si une personne, elle vient et elle dit « Oh, Abdelkarim, les leçons du cours, est-ce que je les note sur un cahier ou je les note sur une feuille volante ?» Alors moi, je lui dis « Note-les, écris-les sur un cahier. Écris-les dans un cahier. » Alors, il n'y aura personne qui va comprendre que je lui ai ordonné d'écrire les notes dans un cahier. Mais par contre, tout le monde va comprendre que je lui ai montré comment faire. Et donc, que c'est mieux qu'il écrive dans le cahier que d'écrire sur des feuilles volantes, qu'il peut perdre par la suite, notamment. Ça, c'est pour ceux qui écrivent. Hein. Parce que je sais qu'on n'est pas beaucoup à écrire, Wallah al-Musta'an. Je sais qu'on n'est pas beaucoup à écrire et c'est dommage. C'est dommage, on reste là, on est assis, on écoute. Il se peut qu'on écoute le cours pendant qu'on prépare à manger, pendant qu'on fait le ménage, pendant qu'on roule en voiture. Et deux mois après, on a une question qu'on pose. Oh Abdelkarim, c'est quoi le jugement de ça? Ah, on l'a vu il y a deux mois dans le cours. Et donc c'est important de prendre des notes. Après tu reviens, c'est du ilm, c'est de la science. Tu en auras besoin. Et donc, هذا هو الذي حصل في هذا الحديث. Et donc, c'est ça qui s'est passé dans ce hadith. الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصلاة عليه. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فليس في هذا ما يدل على الوجوب. Et donc, le compagnon, رضي الله عنه, il a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم comment est-ce que on peut invoquer en sa faveur faire la salat. Faire la salat, donc. As-salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'invocation en sa faveur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a montré comment faire. Et donc il n'y a nullement en cela l'obligation, ce qui montre l'obligation de faire la prière, de faire as-salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam durant la prière. Al-amr al-thani wa huwa al-qa'ida allati dhakarnaha kathiran. واستدل بها القائلون على الوجوب وهي أن الأمر يفيد الوجوب. Le deuxième point qui fait qu'on ne peut pas utiliser le hadith d'aujourd'hui pour dire qu'il est obligatoire. Il est obligatoire donc de faire la salat ibrahimique donc sur le prophète pendant la prière. On ne peut pas utiliser ce hadith pour dire que c'est obligatoire. Le prophète qui dit koulou ou qui dit dites cela. Pourquoi? Parce que donc la règle très importante que j'ai beaucoup citée durant les cours précédents et qu'on revoit encore aujourd'hui, cette règle qui dit que les ordres dans la législation impliquent un caractère obligatoire. Donc dès que tu vois un ordre, ça veut dire que ce qui est ordonné, c'est obligatoire. فَنَقُلْ نَعَمْ لَكِنَ الْقَعِدَ بِتَمَامِهَا أَنَّ الْأَمْرَ يُفِيدُ الْوُجُوبِ إِلَّا إِنْ صَرَفَهُ صَارِفٌ عَنِ الْوُجُوبِ إِلَى الْإِسْتِحْبَابِ. Et donc on répond, on dit non, effectivement, oui, l'ordre implique un caractère obligatoire. Mais la règle complète, donc, l'ordre implique un caractère obligatoire, sauf si un élément va le sortir de ce caractère obligatoire vers un autre qui est recommandé. Donc en gros, l'ordre implique un caractère obligatoire jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. فَهَلْ هُنَاكَ صَارِفٌ. Est-ce qu'il y a un élément qui va montrer que c'est recommandé et que c'est pas obligatoire? أَلْجَوَابُ نَعَمْ. La réponse, oui. حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الذي هو أول حديث ذكره المؤلف في هذا الباب. Le hadith d'Abd Allah ibn Mas'ud رضي الله عنه, qui est le premier hadith que l'auteur a cité dans ce sous-chapitre. C'est le hadith qu'on a vu la semaine dernière. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدعاء في التشهد ثم قال فليتخير من الدعاء ما شاء. Il y a dans ce hadith, le hadith d'Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité l'invocation du tashahhud, puis il a dit, فَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ. Alors qu'il choisit, alors après cela, qu'il choisit l'invocation qu'il veut. وَالنَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمْ يَذْكُرِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ. Et le prophète, il n'a pas cité ici dans ce hadith le fait donc d'invoquer en sa faveur la salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. إذن لو كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الصلاة لذكره أو لذكرها ولما قال فليتخير من الدعاء ما شاء. Et donc s'il était obligatoire durant la prière d'invoquer en faveur du prophète صلى الله عليه وسلم, alors le prophète صلى الله عليه وسلم l'aurait cité. Et il n'aurait pas dit alors qu'il choisisse l'invocation qu'il veut. Le fait qu'il dise cela, cela montre que ce n'est pas obligatoire. وكذلك ما أخرجه أبو داود في سننه عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه ثم قال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء. إنه الحديث كسيته Abu Daoud, dans son Sunan, selon Fudala ibn Ubaid, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a entendu un homme invoquer durant sa prière. Cet homme n'a pas glorifié Allah tabaraka wa ta'ala et il n'a pas invoqué en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit celui-ci s'est précipité, puis il l'a appelé et il lui a dit, ou il a dit à autre que lui. Lorsque l'un d'entre vous prie alors qu'il commence par glorifier son Seigneur, puis qu'il fasse ses éloges, et après cela qu'il invoque en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, thumma yad'u ba'du bimasha, et ensuite il invoque après cela. فَالنَّبِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَمَرَهُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ وَلَا بِسُجُودِ السَّهْوِي. Et donc vous remarquez dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à cet homme que lorsque tu pries, alors d'invoquer en sa faveur. Ici, l'invocation à salat ala nabi, l'invocation elle est citée ici dans ce hadith. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas ordonné à cet homme, il ne lui a pas demandé de recommencer la prière. Et il ne lui a pas demandé non plus de faire la prosternation de la distraction. إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست ركنا ولا واجبة في الصلاة وهذا القول هو الراجح في المسألة والله تعالى أعلى وأعلم. Et donc, la prière, l'invocation en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'est pas obligatoire, ce n'est pas un pilier durant la prière. Et elle n'est pas non plus obligatoire, et cet avis est l'avis le plus juste, incha'Allah ta'ala. Donc l'avis, comme je l'ai cité, de l'imam Malik et l'imam Abu Hanifa. On arrête là pour ce soir, on continue demain dans ce même sous-chapitre. Wafakallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa ardah. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.